passer à la dernière intervention, mais pas des moindres. J'ai signalé à Marion qu'il y avait une erreur nitre et sardon. Ah, c'est ça. Tu as 35 minutes. Merci, monsieur le président. Je voudrais peut-être conclure avec une intervention pas extrêmement spéculative et dont peut-être vous évaluerez l'enjeu, mais qui tient surtout à un attachement personnel pour Nizan. Alors, je ne sais pas si c'est un motif suffisant, que j'ai appelé Nitre et Sarzan, puisque pour leurs camarades... leurs camarades de classe, leurs camarades de lycée, leurs camarades d'études, Sartre et Nizan, parce qu'ils étaient indissociables, ont longtemps été Nitre et Sarzan, et on les appelait comme ça. C'est une formule qui leur vient de leurs camarades et qu'ils ont parfois repris pour montrer à quel point ils étaient indissociables. Il y a juste une ou deux photos, il n'y en a pas beaucoup de Sartre et Nizan, je voulais apporter, puis il y a un ou deux portraits de Nizan. Voilà. Trouver beaucoup de documents iconographiques. Alors, vous pourriez me demander pourquoi, alors qu'il s'agit d'interroger l'actualité de la pensée sartrienne, pourquoi évoquer maintenant la figure de Nizan ? Et vous pourriez me dire, est-ce qu'il s'agit d'un prétexte pour revenir sur l'œuvre de Nizan, qui a été trop souvent ignorée, alors que Aden Arabi est un des plus grand pamphlet de la littérature française et que Le Cheval de Troie est sans doute un des plus grands romans du premier XXe siècle. Alors, c'est pas tout à fait mon projet, quoique j'avoue que le désir de peut-être donner envie de lire des livres de Nizan n'est pas tout à fait absent de mes intentions. Mais il y a quand même un motif un peu plus théorique. Il me semble qu'il y a beaucoup à apprendre sur Sartre en allant regarder de plus près ce que d'une part il a pu dire de Nizan. Est-ce que, d'autre part, la figure de Nizan a renvoyé par contraste comme image de Sartre ? En effet, je crois qu'on peut dire que Nizan, c'est l'une des personnes les plus proches de Sartre, et c'est sans doute celle qui a le plus, une de celles qui a le plus compté pour lui. Là, je serais d'accord avec la notice de Michel Conta dans les écrits de jeunesse de Sartre, qui insiste sur le fait que la relation à Nizan, c'est la relation affective la plus importante pour Sartre, avant celle qu'il allia à Simone de Beauvoir. Et donc l'écriture quand même de leur relation, elle fait entrer dans l'intimité de Sartre, et donc elle permet de progresser dans la connaissance de celui qui était peut-être le Sartre de Nizan, de celui qui était Sarzan, en fait. Surtout, je pense, il y a un autre élément explicatif, c'est que cette amitié entre Sartre et Nizan, elle se déploie dans les années 20 et dans les années 30, et le Sartre de ces années-là, il nous est moins familier et il est indéniablement beaucoup plus opaque du point de vue des études sartriennes. C'est le Sartre étudiant, puis c'est le Sartre qui est professeur de philosophie au lycée du Havre. Il n'a pas du tout encore écrit les grandes œuvres romanesques, dramatiques ou philosophiques qu'on connaît. Il n'a pas encore écrit « L'être et le néant » ni « Les chemins de la liberté ». Je vous rappelle, la nausée, c'est que 1938, le mur, c'est 39, l'imaginaire, c'est 40. Et je crois que ce Sartre d'avant-guerre, c'est pas du tout celui qu'on croit, ou peut-être celui qu'on croit maintenant avec la reconstruction rétrospective et la mythologie Sartre. C'est pas du tout l'intellectuel engagé qui marqua les esprits après-guerre. Et donc, je crois que Nizan pourrait nous permettre médiatement de nous aider aussi à connaître ce Sartre-là, qui est le Sartre d'avant Sartre, en un sens. En retour, Sartre nous permet de nous approcher de Nizan, puisque l'œuvre sartrienne, par les références cruciales qu'elle fait à Nizan, constitue indéniablement un rempart qui protège et qui a voulu protéger Nizan à la fois de l'oubli et de la calomnie. Pourtant, ce faisant, et j'insisterai là-dessus, l'œuvre de Sartre en propose aussi une image déformée, et elle contribue à occulter finalement aussi un autre Nizan, qui n'est pas le Nizan de Sartre, c'est-à-dire qui n'est pas Nitre. Pour conduire cette confrontation, je crois que les ressources sont inégales. D'abord, il manque la correspondance entre les deux hommes, qui, semble-t-il, a été perdue. C'est dommage. Mais surtout, Nizan est mort à 35 ans, donc le 23 mars 40, alors que Sartre est mort en 80, à 74 ans. Donc Sartre a effectivement eu beaucoup plus de temps pour parler de Nizan. Et en outre, il a consacré soit directement, soit de façon à peine voilée, des textes entiers à son ami Nizan, alors qu'on cherche péniblement chez Nizan les références à Sartre. Donc il y a effectivement une dissymétrie dans les références que je pourrais apporter. Alors je voudrais d'abord peut-être faire un petit récit de cette vie commune, de cette histoire commune de Sartre et Nizan, pour me demander ensuite à quoi ressemble le Sartre qui est le Sartre de Nizan, et donc qui est Sarzan, et pour enfin montrer quel est le Nizan de Sartre, donc Nitre, et peut-être voir en quoi celui-là est infidèle au Nizan réel, c'est-à-dire en quoi Sartre le déforme et pourquoi il le déforme. Alors, donc peut-être une petite histoire, et c'est des éléments un peu historiques, sur la relation de Sartre et Nizan. Je suis désolée pour mon inorganisation, je n'ai pas recopié mes citations, alors je vais ouvrir toutes sortes de livres. Je voudrais juste vous lire, pour commencer, un passage des mots, donc peut-être vous vous souvenez, si je retrouve ma page, c'est tout à la fin. L'élève Bénard, donc l'ami, vient de mourir, et il se passe ceci. Quelques semaines plus tard, la classe de 5e A1 fut le théâtre d'un événement singulier. Pendant le cours de latin, la porte s'ouvrit, Bénard entra. Escorté du concierge, salua Monsieur Durie, notre professeur, et s'assit. Nous reconnûmes tous ses lunettes de fer, son cache-nez, son nez un peu busqué, son air de poussin frileux. Je crus que Dieu nous le rendait. Monsieur Durie sembla partager notre stupeur, il s'interrompit, respira fortement et demanda nom, prénom, qualité, profession des parents. Bénard répondit qu'il était demi-pensionnaire et fils d'ingénieur, qu'il s'appelait Paul-Yves Nizan. J'étais le plus frappé de tous. À la récréation, je lui fis des avances. Il répondit, nous étions liés. Un détail pourtant me fit pressentir que je n'avais pas affaire à Bénard, mais à son simulacre satanique. Nizan louchait. Il était trop tard pour en tenir compte, j'avais aimé dans ce visage l'incarnation du bien, je finis par l'aimer pour lui-même. J'étais pris au piège, mon penchant pour la vertu m'avait conduit à chérir le diable. À vrai dire, le pseudo Bénard n'était en rien méchant, il vivait, voilà tout. Il avait toutes les qualités de son sosie, mais flétri. En lui, la réserve de Bénard tournait à la dissimulation. Terrassé par des émotions violentes et passives, il ne criait pas, mais nous l'avons vu blanchir de colère, bégayer. Ce que nous prenions pour de la douceur n'était qu'une paralysie momentanée. Ce n'était pas la vérité qui s'exprimait dans sa bouche, mais une sorte d'objectivité cynique et légère qui nous mettait mal à l'aise parce que nous n'en avions pas l'habitude. Et quoi qu'il adorât ses parents, bien entendu, il était le seul à parler d'eux ironiquement. En classe, il brillait moins que Bénard. Par contre, il avait beaucoup lu et souhaitait écrire. Bref, c'était une personne complète. Et rien ne m'étonnait plus que de voir une personne sous les traits de Bénard. Obsédé par cette ressemblance, je ne savais jamais s'il fallait le louer d'offrir l'apparence de la vertu ou le blâmer de n'en avoir que l'apparence. Et je passais sans cesse de la confiance aveugle à la défiance irraisonnée. Nous ne devînmes de vrais amis que beaucoup plus tard, après une longue séparation. » Donc c'est l'entrée en scène de Nizan dans la vie de Sartre. Puisqu'en effet, Nizan, qui s'appelle pas Paul mais Paul-Yves, il est né à Tours le 7 février 1905, et il a fréquenté, à partir de cette classe de 5e et de l'hiver 1917, le lycée Henri IV, où il a rencontré Jean-Paul Sartre, qui est né la même année que lui, mais à Paris. Donc il ne se lie d'amitié qu'en 1920, pendant leur classe de première, c'est-à-dire après le retour de Sartre de La Rochelle. Alors Sartre est interne, Nizan est interne, Sartre est externe. Donc il y a toute une trajectoire commune, ils vont passer leur bac ensemble. Et puis après, de concert, ils vont quitter Henri IV avec grand fracas pour rentrer en 1922 en classe préparatoire à Louis le Grand. Ils sont tous deux reçus, Sartre 7e et Nizan 22e, en 24, au concours de l'école normale supérieure, l'école dite normale et prétendue supérieure, comme l'appelle toujours Nizan. Je crois que contrairement à ce qu'on croit, Nizan y fit autant, voire bien plus de désordre que Sartre. s'étaient associés pour mettre un maximum de bazar dans l'école normale. Ils décident de partager leur chambre, hein, qu'ils appellent leur turne, à la cité universitaire en particulier. Jeune, les camarades de Sartre le qualifiaient de SO, satire officielle, tant il avait la dent dure. Je crois que c'est surtout chez Simone de Beauvoir qu'on peut trouver raconter toutes leurs tours et toutes leurs plaisanteries. Je vous en lis juste un exemple, il y en a plein dans l'ensemble des mémoires de Beauvoir et qui concernent un peu leurs activités d'études, parce qu'on a dit tout à l'heure que Sartre lisait tout le temps, le voyait tout le temps lire, mais il n'a pas fait que travailler l'agrégation, manifestement, enfin si on en croit ce que raconte Simone de Beauvoir. Et donc sa première rencontre peut-être avec Nizan, si je retrouve ma page 468, excusez-moi. Ah oui, c'est la première fois qu'elle les rencontre. Il l'avait invitée pour travailler sur Leibniz. Et j'étais un peu effarouchée quand j'entrais dans la chambre de Sartre. Il y avait un grand désordre de livres et de papiers, des mégots dans tous les coins, une énorme fumée. Sartre m'accueillit mondainement, il fumait la pipe. Silencieux, une cigarette collée au coin de son sourire oblique, nisant mes pieds à travers ses épaisses lunettes, avec un air d'en penser long. Toute la journée, pétrifiée de timidité, je commentais le discours de métaphysique. Et Herbeau me reconduisit gentiment le soir à la maison. Alors elle revient chaque jour, blablabla, et il y a tout le passage où, pendant ce temps-là, Sartre et Herbeau chantaient à pleine gorge des airs qu'ils improvisaient. Ils composèrent en particulier un motet sur le titre d'un chapitre de Descartes, « De Dieu, de Rechef, qu'il existe ». Sartre avait une belle voix, et pendant que Sartre faisait des chansons sur Descartes, chaque jour, les murs de leur chambre s'enrichissaient de quelques dessins inédits, des animaux métaphysiques, de nouveaux exploits de l'Eugène. Nizan se spécialisait dans les portraits de Leibniz, qu'il représentait volontiers en curé, ou coiffé d'un chapeau tyrolien, et portant toujours, au derrière, la marque du pied de Spinoza. Ça n'a pas fait que lire dans leur manifestation, manifestement. Donc ils font surtout des longues promenades dont Simone de Beauvoir parle dans Paris, et Sartre a dit plusieurs fois que c'était un de ses plus doux souvenirs, cette déambulation dans Paris avec Nizan. Il les décrira dans la préface d'Aden Arabi, où il dit de Nizan: Paris fut notre lien, avec le désir d'écrire, bien sûr. Alors Nizan, à ce moment-là, il part une année à Aden, en Arabie britannique, comme précepteur dans une famille de ressortissants anglais qui s'appelle les Bess, entre novembre 26 et avril 27. Et d'ailleurs, Nizan est tout fier d'avoir réussi à obtenir un congé sans solde de l'école pour des raisons de santé qui tiennent à une sorte de montage et de simulation. En novembre 27, à la mairie du 5e, Sartre et Aron sont les témoins du mariage de Nizan avec Henriette Alphen, qui est dite Rirette, qui apparaît toujours sous le nom de Rirette. Donc c'est un mariage un peu particulier, puisque Rirette n'est pas du tout en robe, elle est enceinte, et Nizan a une crise d'appendicite aiguë, et le médecin l'a laissé sortir juste pour 2 heures, avant l'opération dont il a failli ne jamais réchapper. Alors comme pendant ce voyage de Nizan, Sartre a pris une année de retard, parce qu'il s'est fait coller à sa première présentation de l'agrégation, où Aron est reçu premier, en 28. Du coup, ils peuvent préparer l'agrégation ensemble, et ils passent le concours ensemble la même année, avec Simone de Beauvoir, hein, qui a rejoint le groupe, c'est l'année où il révise le discours de métaphysique, et où Sartre est arrivé premier, Simone de Beauvoir deuxième, et Nizan cinquième. Donc au lycée, pendant une bonne partie de ses études, Sartre et Nizan deviennent inséparables. C'est pourquoi leurs petits camarades les appellent Nitre et Sarzan, ou les deux petits camarades. Et ils sont toujours joués à se donner des noms d'initiés. Donc Nizan c'est Ra, Sartre c'est Barou. Bon, ils jouent à être indiscernables, et en fait on les confondra longtemps. Dans sa préface à Aden Arabi, Sartre racontera que même en 39, on les a encore pris l'un pour l'autre. Je vous le lis. Nous étions liés au point qu'on nous prenait l'un pour l'autre. Léon Brunschvicg, en juin 1939, nous rencontra tous les deux chez l'éditeur Gallimard et me félicita d'avoir écrit Les Chiens de garde. Bien que, me dit-il sans amertume, vous ne m'avez guère ménagé. Je lui souris en silence. À côté de moi, Nizan lui souriait. Le grand idéaliste parti sans être détrompé. Depuis 18 ans qu'il durait ce confusionnisme, il était devenu notre statut social et nous avions fini par l'accepter. Simone de Beauvoir a raconté dans les mémoires d'une jeune fille rangée à quel point vraiment Sartre et Nizan faisaient corps à cette époque-là et ils apparaissaient toujours associés. Je vous lis juste le passage qui est amusant et seul me demeurait hermétique le clan formé par Sartre, Nizan et Herbeau. Il ne frayait avec personne, il n'assistait qu'à quelques cours choisis et s'asseyait à l'écart des autres. Ils avaient mauvaise réputation. On disait qu'ils manquaient de sympathie à l'égard des choses. Visiblement, mon petit Alain, ils appartenaient à une bande composée en majorité d'anciens élèves d'Alain et connue pour sa brutalité. Ses affiliés jetaient des bombes à eau sur les normaliens distingués qui rentraient la nuit en smoking. Bon, c'est un peu la suite sur le club. Au moment de ce confusionnisme, il continue puisque au moment de la mort de Sartre, quand même en 80, Raymond Aron, dans une interview, dira encore qu'il ne peut pas parler de l'un sans penser à l'autre. Hein, je le cite, « Je ne peux pas parler de Sartre sans parler de Nizan. Et Sartre écrira « De 1920 à 1930, surtout, lycéens puis étudiants, nous fûmes indiscernables. » Donc on voit quand même que pour eux et puis pour les autres, leur association a duré vraiment très longtemps. Alors peut-être il faut que je passe un certain nombre de choses. Bon, il y a la question de la ressemblance physique et de la différence d'élégance. Je passe là-dessus. Ou de leurs activités communes. Ils font une révision de la première édition de la Psychopathologie générale de Jasper. Et l'éditeur les remercie dans une note. Et c'est leur première apparition de leur nom dans une publication. Il y a aussi quand les Nizans vont s'installer à Grandchamp, il y a toute une série de réunions et d'activités, et en particulier toute la troupe participe à deux films qui ont malheureusement été perdus et qui étaient réalisés par le frère d'Henriette, Jean-Paul Alphen. Et les deux scénarii étaient coécrits par Nizan et par Sartre, et les deux films s'appelaient Tu seras curé et le deuxième Le vautour de la Sierra. Je vous raconte juste un peu le scénario du premier, qui est un film un peu fou dont la pellicule a disparu, qui montrait un curé qui était Nizan, qui dressait un jeune homme de bonne famille perdu dans la débauche, qui était Sartre, le tableau contrasté du bien et du mal. Et donc le bien, c'était représenté par des bergères, jouées par donc Rirette, Simone de Beauvoir et Madame Berle. Et de l'autre côté, le mal, c'était des aguicheuses en barésie, qui étaient jouées par les trois mêmes femmes. Et les aguicheuses finissaient par déchirer la chemise du jeune homme, Sartre. Il y avait un gros plan sur sa poitrine. Et là, les mauvaises femmes découvraient un scapulaire. Et du coup, elles tombaient à genoux. Elles adoraient Dieu. Bon, alors le tournage s'est arrêté là. Mais dans le scénario, ensuite, le film devait montrer donc Sartre, le jeune homme, qui, en revenant de ses orgies, rencontrait le Christ. Et le scénario lui faisait dire au Christ « Vous avez du feu ». Et le Christ s'arrachait le Sacré-Cœur enflammé de la poitrine pour lui tendre. Et à cette occasion, Nizan a parcouru tout Saint-Germain-des-Prés en soutane. Enfin, donc il y avait toutes sortes de choses un peu amusantes qu'ils ont fait ensemble quand même dans les années 30. Ce que Rirette a raconté aussi dans ses mémoires. On a le sentiment, après, que cette amitié, peut-être, elle s'est distendue avec le mariage de Nizan et surtout avec son adhésion au Parti communiste en 1927. C'est vrai qu'à partir de 1932, l'engagement des Nizans les a occupés à plein temps. Et puis leur emploi du temps de militant, et puis le fait qu'ils étaient parents de deux jeunes enfants, tranchait avec l'emploi du temps de Sartre et de Beauvoir. Sartre lui-même s'est fait peut-être l'écho de ce sentiment, de cette distanciation de cette amitié. Je cite la préface d'Aden Arabi qui dit « Surtout le parti nous sépara, j'étais sympathisant mais non pas initié, je demeurais son ami d'adolescence, un petit bourgeois qu'il aimait bien. Pourquoi ne l'ai-je pas compris ?» Alors, les rencontres se sont espacées entre Sartre et Nizan, mais je crois que l'amitié des deux hommes est restée vive. En particulier, c'est Sartre qui s'occupe d'informer Rirette des calomnies sur la prétendue traîtrise de Nizan pendant la guerre. Et surtout, depuis la mort de Nizan, c'est Sartre qui était le tuteur des deux enfants de Nizan, d'Anne-Marie et de Patrick. Et Rirette écrira dans ses mémoires qu'après la mort de Nizan, Sartre et Beauvoir sont restés parmi ses meilleurs amis. Ce que je voudrais montrer, même si c'est, les deux hommes se sont éloignés, c'est que la figure de Nizan et la référence à Nizan est restée vraiment décisive chez Sartre, et qu'elle, c'est quelque chose qui l'a hanté et qui reste, je crois, nécessaire à la compréhension de son parcours. C'est pour ça que je voudrais en venir maintenant au Sartre de Nizan, c'est-à-dire à Sarzan d'abord. Alors Nizan a écrit très peu de choses sur Sartre. Il y a quelques allusions dans son œuvre littéraire, dont la plupart sont des clins d'œil. Il y a une figure du commandant Sartre dans La Conspiration, à laquelle répondent le gendarme Nizan dans La Nausée ou le général Nizan dans L'Enfance d'un chef. C'est anecdotique. Mais Nizan est aussi l'auteur et aussi directeur de publication, il est journaliste, et il a toujours épaulé Sartre dans ses démarches pour se faire publier. Nizan s'est en particulier trouvé associé à l'entreprise de la revue Bifur, aux éditions du Carrefour, qui a compté 8 numéros. Il s'est occupé en très grande partie du numéro 7, dans lequel il y a le premier texte de Prévert, des textes à lui, mais il s'occupe surtout du numéro 8, qui est publié en juin 1931, et dans lequel paraît, outre la première traduction de « Qu'est-ce que la métaphysique ?», qui est passée complètement inaperçue, y compris de Sartre et de Beauvoir, par Coiré d'ailleurs, paraît le premier texte de Sartre, qui est extrait de la légende de la vérité. Et Nizan a toujours déployé plein d'efforts pour faire publier l'ensemble du texte. Et quand il s'occupe de la présentation des contributeurs du numéro, il présente Sartre de cette façon-là, « Jeune philosophe, prépare un volume de philosophie destructrice ». Nizan a aussi, journaliste, toujours fait des comptes rendus des livres de Sartre, en particulier celui de La Nausée, dans Ce soir, en 1938, qui compte particulièrement, puisqu'on découvre que, outre son enthousiasme pour le texte, Nizan voit venir, comme personne, et mieux que Sartre, quel sera le Sartre que nous connaissons, celui qu'on ne connaissait pas dans les années 30 et qu'on est loin d'imaginer. En effet, il parle de Sartre, auquel on doit un livre excellent sur les images, romancier et philosophe de premier plan, et surtout il ajoute « Monsieur Jean-Paul Sartre a des dons trop précis et trop cruels de romancier pour ne pas s'engager dans les grandes dénonciations ». Donc, je crois qu'il voit Sartre avant Sartre peut-être mieux que beaucoup. Mais surtout, il y a pourtant une référence ambiguë dans l'œuvre littéraire de Nizan à son ami Sartre, et c'est la figure du professeur Lange dans Le Cheval de Troie, qui est une des plus complexes, je crois, de l'œuvre de Nizan. Ce livre, qui est le second roman de Nizan, paraît en 1935 chez Gallimard. Je crois que c'est peut-être le plus dérangeant des romans de Nizan, mais c'est aussi le plus saisissant. Alors, je passe un peu l'histoire du roman. Le Cheval de Troie présente dans la petite ville de Villefranche, en juin 1934, les luttes d'un groupe militant communiste, dans lequel il y a Bloyer et les amis de Bloyer, face à la montée du fascisme. Et parallèlement, exerce au lycée de Villefranche le professeur Lange, qui, à la fin du roman, se trouve, au cours d'une manifestation, emporté du côté des fascistes, donc tenté par le fascisme. Mais le professeur Lange fait des tas de discours sur la mort, sur la solitude humaine, lors des réunions des notables de la ville. C'est un spectateur tragique et malheureux, c'est un nihiliste bourgeois, et c'est la figure du désengagement, du refus de la politique. Je vous peut-être cite deux passages qui sont importants. Lange dit « Il n'y a pas de problème politique ». Il y en aurait si les hommes étaient actuellement assez naïfs ou assez puissants pour croire réellement en quelque chose. Il y a eu des valeurs, mais il n'y en a plus. Le monde a marché tant qu'on a cru en Dieu, dans la raison, le progrès. Mais nous ne croyons plus qu'à une chose qui ne comporte aucune politique. Nous ne croyons plus qu'à la mort. Vous le savez, mais jamais vous ne l'avouerez. » 116. Lange déclare encore « Je ne me ferai pas communiste, » répondit Lange. « Je m'en sens incapable. Le communisme, c'est une espèce de grand capitalisme avec des légendes mieux liées. D'ailleurs, je suis un bourgeois, définitivement. Le passage me paraît impossible. J'ai vu des ouvriers, ils possèdent une espèce de communauté. Ils croient aller où l'histoire les mène, ce qui donne de la force. Mais toute la question est de savoir avec qui on peut vivre. » Mais ce qui est intéressant, c'est que Lange, c'est aussi quelqu'un qui songe à écrire un livre et qui commence à écrire un livre dans le roman. Et c'est là où Sartre va se reconnaître. Quand il songeait à des livres qu'il pourrait écrire, il imaginait un livre qui décrirait uniquement les rapports d'un homme avec une ville, où les hommes ne seraient que des éléments du décor, qui parleraient d'un homme seul, vraiment seul, semblable à un îlot désert. Alors on pense à la nausée de Sartre, et Sartre s'est reconnu avec un peu de déplaisir dans cette figure du professeur Lange. Nisan s'est un peu défendu, il a dit « c'est pas toi, c'est pas vraiment toi, c'est Brice Parrain ». Mais peut-être on peut dire Lange est plus proche des personnages de Sartre, de Roquentin, de Meursault, peut-être il est proche du Nisan de 1925. Mais cette figure, elle a été lue et elle apparaît encore comme une image du Sartre des années 30, c'est-à-dire comme une critique par Nisan du désengagement et des positions de Sartre dans ces années-là. Je vous lis peut-être juste le passage décisif qui est le débat entre Lange, qui est Sartre dans le roman, et puis Boyer, qui est Nisan. Lange n'avait plus guère qu'un divertissement, il jouait son propre personnage, il se donnait la comédie. Cette comédie trompait parfois les femmes. Lange disait « Les simulateurs sont les hommes qui se défendent le mieux contre eux-mêmes ». Quand Bloyer et ses compagnons furent dans la rue, ils marchèrent sans parler. Trois hommes respectables qui enseignaient les enfants. Bloyer se disait qu'il n'avait pas grand-chose à leur dire, il aurait pu leur parler 10 ans plus tôt, mais il ne s'occupait plus guère de Dieu, des comédies des solitaires et des manies de l'intelligence. Lange avait été un de ses meilleurs amis rue d'Ulm. Il lui dit « Quand j'y pense, Bloyer, ton activité paraît extraordinairement absurde. Qu'est-ce que tu veux faire ? Changer le monde, dit Bloyer. Il est difficile d'imaginer un univers plus scandaleux que celui où nous avons le malheur de vivre, dit Lange. Mais le scandale, c'est ce qui définit n'importe quel univers. Le scandale, c'est qu'il existe des mondes. Vous travaillez à fabriquer un monde où je ne serai pas moins seul. » Cette idée, dit Bloyer, te permet d'accepter le scandale de ce monde, et c'est ainsi qu'on s'arrange. Lange sourit. Je n'aime pas les marxistes. Oh là là. Ça permet de peut-être de voir quoi que quel que soit l'homme qui servit de modèle au professeur Lange, il reste que Nisan, à la fin des années 20 et dans les années 30, c'est l'intellectuel engagé que Sartre n'est pas. Je crois que ce qui est important, je vais juste faire cette partie-là et puis je ne ferai pas la dernière partie, c'est pas grave. Les biographes de Nisan, et en particulier Pascal Horry, dans un livre qui s'appelle Nisan, destin d'un révolté, a suggéré, et je suis assez d'accord avec lui, que le modèle d'écrivain engagé que représentait Nisan a hanté l'esprit de Sartre, peut-être jusqu'au remords. Et il dit, est-ce que c'est vraiment un hasard si le choix de l'engagement de Sartre est consécutif de la mort de son ami le plus proche ? Il dit que tout le rapport capital de Sartre à l'engagement peut aussi s'interpréter à la lumière de ce passage de relais entre la mort de Nisan, Nisan l'engagé en 40, et le vivant Sartre qui va s'engager en 41 et après. En effet, l'engagement théorisé par Sartre après-guerre, hein, dans des textes que vous connaissez, tranche avec les positions de Sartre dans l'entre-deux-guerres, qui sont celles d'un intellectuel dégagé, qui est peu intéressé par l'histoire, la politique et l'engagement collectif, alors que Nisan, au contraire, a incarné l'engagement et l'engagement militant, celui d'un militant, d'un journaliste militant. Il a adhéré donc au Parti communiste en 1927. Il est devenu un permanent du Parti communiste en 1932. Il signe en 1932 sa première chronique littéraire à l'Humanité. Il devient un rédacteur politique en juin 1935 à l'Humanité. Et en mars 1937, il devient le responsable de la politique étrangère à Ce Soir. Et en 1934, il fait le fameux voyage d'un an en URSS. Cet engagement, il est total, cet engagement de Nisan. Et Sartre le reconnaît d'ailleurs à l'écriture de Nisan et au thème qu'aborde Nisan. Je cite le compte-rendu que Sartre a fait de la conspiration de Nisan. Nisan parle de la jeunesse, mais un marxiste a trop de sens historique pour décrire en général un âge de la vie, la jeunesse, l'âge mûr, tel qu'il défile dans la cathédrale de Strasbourg quand l'horloge sonne midi. Ces jeunes gens, les jeunes gens de Nisan, sont datés et rattachés à leur classe. Surtout, Nisan a défendu une conception engagée de la philosophie C'est évidemment l'objet des Chiens de garde, qui est un pamphlet dirigé contre les philosophes de l'entre-deux-guerres, hein, les Brunswick, les Boutroux, les Bergson, dans lequel il fustige une production d'idées coupées de la réalité, et Nizan combat en particulier le Julien Binda de la trahison des clercs, qui, en 27, avait soutenu que l'intellectuel devait rester avec ses objets d'études sans jamais les subordonner à une cause politique. Donc Nizan bataille contre ça, l'histoire de la philosophie, la vieille psychologie, dans des textes qui ont des titres éloquents comme « Les philosophes contre l'histoire » ou « Démission des philosophes ». Peut-être je vous cite juste un passage. Donc Nizan écrit « Que font les penseurs de métier au milieu de ces ébranlements? Ils gardent encore leur silence. » Ils n'avertissent pas, ils ne dénoncent pas, ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas retournés. L'écart entre leur pensée et l'univers, en proie aux catastrophes, grandit chaque semaine, chaque jour. Ils ne sont pas alertés, et ils n'alertent pas. L'écart entre leurs promesses et la situation des hommes est plus scandaleux qu'il ne fut jamais. Et ils ne bougent point, ils restent du même côté de la barricade, ils tiennent les mêmes assemblées, ils publient les mêmes livres. Tous ceux qui avaient la simplicité d'attendre leurs paroles commencent à se révolter ou à rire. » Et en guise d'introduction, l'introduction des Chiens de garde, sont reproduites à alterner quatre citations, deux extraits du bulletin de l'Union pour la vérité, dont vous imaginez ce qu'on lit là-dedans sur l'être, sur Dieu, et puis deux citations de journaux sur des exécutions sommaires. En outre, je vais juste finir ma partie. En outre, avant l'heure, je crois que Nizan met en œuvre aussi un trait essentiel de la conception sartrienne de la création romanesque, hein, qu'on verra en particulier à l'œuvre dans la nausée. Au départ, une crise personnelle qu'il faut négocier dans et par l'écriture, et plus précisément en la transposant dans une histoire dont le personnage central est un alter ego que l'auteur traite sans complaisance. C'est ce que Sartre dit à la fin des mots. « J'étais rencontin. Je montrais en lui sans complaisance la trame de ma vie. » Et en effet, c'est exactement ce que fait Nizan dans tous ses romans dans les années 30, qui sont toujours ancrés dans son histoire personnelle exactement de cette façon-là. C'est flagrant dans Aden Arabi, dans le pamphlet. C'est évidemment encore plus le cas dans Antoine Bloyer et dans le cheval de Troie. D'ailleurs, Antoine Bloyer a été tenu par la critique comme un des premiers romans français relevant du réalisme socialiste. Donc littérairement, peut-être même dans la conception engagée de la littérature, Nizan est très en avance sur Sartre. À sa mort, il y a déjà une œuvre littéraire, il y a trois romans, il y a deux pamphlets, il y a des textes philosophiques sur le matérialisme antique et sur le matérialisme dialectique, il y a des textes engagés. La conspiration a été déjà couronnée par le prix Interallié. Et Sartre écrit lui-même que si l'un des deux avait pu préfacer l'autre, ça aurait été Nizan. Je le cite. « Nous voulions écrire l'un et l'autre. Il publia son premier livre, bien avant que je trace un mot du mien. À l'époque où parut la nausée, si nous eussions prisé ses présentations solennelles, ce fut lui qui m'eût préfacé. C'est la mort qui a renversé les rôles. » Dans le compte-rendu de la conspiration que fait Sartre, Sartre souligne d'ailleurs le talent littéraire indéniable de son ami. Il évoque, je cite encore Sartre, son beau style, sec et négligent, ses longues phrases cartésiennes qui tombent en leur milieu, comme si elles ne pouvaient plus se soutenir et rebondissent tout à coup pour finir dans les airs. Et ses emportements oratoires qui tournent soudain court et font place à une sentence brève et glaciale, non pas un style de romancier, sournois et caché, un style de combat, une arme. Peut-être je dis juste en résumant, parce que j'ai deux, trois mots de ma troisième partie qui concernait finalement le Nizan de Sartre. J'essaye de résumer mon propos. D'abord, Nizan, ça apparaît vraiment comme la figure de l'ami dans l'œuvre de Sartre. Il y a quelque chose qui est très, très important, c'est qu'en fait, le premier texte littéraire de Sartre, qui porte son nom, qui s'appelle « La salamandre et le scaphandre », qu'on trouve dans les écrits de jeunesse, c'est un texte sur Nizan. Peut-être je vous raconte en quelques mots. Quand ils préparaient le concours de l'école normale, ils ont participé tous les deux à l'aventure de la revue sans titre, hein, qui a connu des éphémères numéros et dans lequel ils ont publié peut-être leur premier texte, Sartre sous un pseudonyme, hein, L'Ange du Morbide, le début de Jésus la Chouette. Et puis Nizan a publié des contes comme Complainte du Carabin qui disséqua sa petite amie en fumant deux paquets de Maryland. Bon. Et alors pendant cette aventure de la revue sans titre, à un moment ils se sont brouillés. Et Sartre était extrêmement malheureux et il a commencé à transposer l'histoire de la revue sans titre et de sa brouille et de son amitié avec Nizan dans un texte qui s'appelle « La semence et le scaphandre » dans laquelle il met en scène l'amitié entre Tailleur, c'est lui, et Lucelle, c'est Nizan. Et Sartre dit dans le texte, il parle de cette amitié qui était plus orageuse qu'une passion. Bon, il reprend vraiment tout ça et il abandonne le texte quand lui et Nizan se réconcilient, et c'est un texte qu'on a retrouvé et édité après. Ce qui est aussi assez incroyable, mais je le résume juste, c'est que le dernier texte romanesque de Sartre, c'est aussi un texte qui parle de Nizan, puisque le dernier chapitre de la quatrième partie des Chemins de la Liberté, la quatrième partie qui devait s'appeler la dernière chance et qui a été abandonnée, et qui devait ouvrir le second cycle, le cycle Brunet, il en reste un chapitre qui s'appelle Drôle d'amitié, et qui était un chapitre où, transposé, Sartre parlait de la mort de Nizan. Il imaginait en fait la réaction d'un Nizan qui aurait été dans sa situation à lui de Sartre au Stalag, c'est-à-dire ce communiste qui avait rompu avec le parti communiste. Qu'est-ce qui serait arrivé? Et là, il y a un dispositif narratif qui est extraordinaire par lequel Sartre littérairement produit une sorte de réconciliation posthume entre lui et les divers personnages de Nizan qui apparaissent sous diverses figures dans Drôle d'amitié. C'est quand même très important puisque c'est le dernier texte romanesque de Sartre. Peut-être je résume juste en quelques mots le dernier temps important. Sartre intervient surtout, et là c'est moi qui était négligente et qui ai mal construit ma communication. Sartre intervient surtout en faveur de Nizan au moment de l'affaire ou du cas Nizan, puisque donc Nizan rompt avec le parti communiste en 39 au moment de la signature du pacte, et donc il meurt une année après, donc puisqu'il a été mobilisé, il prend une balle, bon, voilà, donc il meurt en 40, et s'ensuit toute une procédure de pas seulement de critique de la rupture de Nizan avec le parti communiste, mais de calomnie, où le parti communiste va et Maurice Thorez dès 40 accuser Nizan de traîtrise, d'être un indique. Donc vraiment une campagne de calomnie. Hein. Il y a un article de Thorez hein, qui dit que c'est un indique à la solde du gouvernement. Et puis il y a d'autres entreprises beaucoup plus déplaisantes, comme celle d'Henri Lefebvre dans l'existentialisme, hein, où il fait de Nizan le traître incarné. Et il y a encore plus déplaisant, il y a tous les chapitres dans le roman d'Aragon, Les communistes, puisque Aragon a forgé un personnage à partir de Nizan le traître, qui s'appelle Patrice Orfila, et qui est celui qui trahit le parti communiste. Et Aragon, subrepticement, il n'est jamais revenu là-dessus, mais quand il a republié le roman en 60, il a supprimé tous les chapitres dans lesquels apparaissait Orfila, sans qu'il ait la moindre note. Bon, et au moment de cette affaire, Sartre est vraiment intervenu de façon très vive pour défendre Nizan, pour détromper tout le monde. Et il y a un texte qui s'appelle Le cas Nizan, qui est un texte polémique qui a été signé par beaucoup d'intellectuels, dans lequel Sartre prend Aragon à partie, il va essayer de dénoncer les calomniateurs, et il l'obtient en un sens gain de cause, et puis en un sens non. Et puis il y a un dernier texte que j'aurais voulu évoquer, qui est évidemment la préface d'Aden Arabi, puisque le texte était épuisé, et Sartre a mis vraiment dans la balance tout son poids de Sartre de 1960 pour faire rééditer le texte, et il a donné une préface à cette occasion, qui était aussi un élément de défense de Nizan, et il essayait de défendre l'œuvre qui avait été salie par cette campagne de calomnie, et il écrit une préface qui est presque aussi longue que le texte, enfin qui est une préface très très importante, dans laquelle il défend Nizan. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'il dresse dans cette préface un portrait de Nizan qui correspond, qui est son Nizan à lui, mais qui n'est pas du tout Nisan, puisque il fait à la fois de Nisan, c'est-à-dire qu'il utilise Nisan d'un certain côté, il essaye d'en faire peut-être le marxiste impeccable qui a juste rompu au bon moment avec le Parti communiste, c'est-à-dire qu'il essaye de récupérer Nisan peut-être à son compte dans son combat politique contre le parti, et là il transforme complètement le rapport de Nisan au marxisme qui est pas du tout celui-là. Et par ailleurs, c'est Sartre qui a le plus véhiculé l'image d'un Nisan, une sorte de Rimbaud révolté, le héros de la révolte, qu'il a d'ailleurs réussi à remettre Nisan à la mode en 68 grâce à ça. Mais en fait, ça correspond pas du tout à la réalité de Nisan. Donc il y a une sorte de double ou triple opération sur la figure de Nisan qui est en partie intentionnelle chez Sartre et qui fait que on a Nitre, mais on n'a pas du tout Nisan dans la préface d'Aden Arabi. Je pourrais vous montrer pourquoi, mais peut-être je peux arrêter et puis on peut discuter. Comme ça, je pourrais vous donner les références des textes qui sont souvent pas très connus. Voilà, je suis un peu désolée du caractère éparpillé. Ce que je voulais dire, c'est pour ça que j'ai fait cet excursus un peu pas philosophique du tout, c'est quand même la figure de Nisan, elle est unique chez Sartre, et les rapports qu'il a aux autres, ils sont pas du tout comparables. C'est pas juste une relation intellectuelle, c'est vraiment quelque chose qui l'a hanté toute sa vie. Il a eu besoin d'écrire ce chapitre des chemins de la liberté pour essayer d'opérer une réconciliation. Et vraiment, quand on lit les textes, les premiers textes, il est malheureux, comme si sa maîtresse l'avait quitté. Il fait des crises de jalousie. Il a un attachement à Nisan qui est vraiment, qui est affectif, mais il y a un lien qui est vraiment très très fort et qui le suivra toute sa vie. Et je crois qu'il n'y a jamais ça avec les gens qu'il a admirés dans le personnage intellectuel. Il y a quelque chose qui le dépasse, parce que en même temps, dans Aden Arabi, il maîtrise une partie de l'instrumentalisation, et puis en même temps pas tellement. C'est encore des usages affectifs, donc je crois qu'il n'y a rien qui soit vraiment symétrique. D'ailleurs, c'est un peu sa seule figure d'ami, je dirais une des seules. Ouais, je crois que c'est singulier quand même. Oui. D'abord, merci beaucoup, parce que ça réincarne quand même le bonhomme. Et surtout, le travail, c'est un travail de fourmi qui a commencé à élaborer là. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont un peu systématisées sur ça. Mais je pense que c'est très important, et en fait, c'est parce que c'est très éclairant. Et je pense effectivement que la singularité de leur relation, il faut la marquer. Et Sartre, je pense qu'il gardera, il garde avec Nisan la figure de celui qu'il aurait dû être. Oui. Celui qu'il aurait dû être, au plan notamment de la conscience politique. Ça c'est très clair, tu l'as dit, mais quand on lit le début de Question de méthode, le début de Question de méthode, quand il raconte les années 20 et le début des années 30, de quoi il parle? Il parle des chiens de garde que dénonçait Nisan, mais il en parle évidemment en 57. Avec la fonction sociale que Nisan dénonçait à l'époque. Il ne cite pas Nisan, mais on voit très bien que Nisan est derrière. C'est, voilà, en fait, c'est ce qui en 57 Alors c'est évidemment sur le mode du souvenir, mais pas seulement, ce qui est l'objectivation rétrospective de la situation de la pensée dans les années 20-30, qui lui écrit en 57, mais c'est ce que Guizot avait écrit au moment dit. Il gardera, et quand tu dis que Guizot ce serait, enfin, finalement ce marxiste impeccable qui aurait quitté au bon moment, etc., je pense qu'il y a, ça joue vraiment, il joue vraiment cette figure-là, au-delà de tout le reste. Vraiment dans l'économie même de ces positionnements, c'est vraiment important ça. Ouais, moi je suis vraiment d'accord là-dessus, et ça revient souvent. Guizot a tout fait avant lui, où il le raconte, il a écrit les livres avant lui, il a écrit les livres qu'il aurait voulu écrire alors qu'il n'y arrivait pas. Et puis il envie assez le fait que Guizot, il est immédiatement dans les choses, il n'est pas spectateur de lui-même, il n'est pas, il n'y a pas de... ouais, il y a quand même un peu... c'est celui qui a été engagé tout de suite. Et ça, c'est assez systématique sur tous les terrains, quand on regarde un peu leur relation. Après, sur son instrumentalisation dans la préface, peut-être c'est un peu plus compliqué, parce que il essaye d'en faire un héros. Il fait là une figure de... Il a envie que Guizot soit un héros. Alors, il a envie personnellement parce qu'il l'admire, et puis il est très fâché. Enfin, il s'en veut parce qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait fallu. Bon. Donc, il y a à la fois du remords, et puis il y a un enjeu stratégique, c'est qu'il essaye d'en faire peut-être l'idéal marxiste qui a rompu avec le parti, ce qu'il fallait faire. Et en réalité, quand on regarde un peu la vie de Guizot et les textes, Guizot, il avait un rapport beaucoup plus conflictuel que ça avec le Parti communiste. C'est-à-dire que c'était pas du tout le militant impeccable. Et Sartre dit des choses qui sont fausses dans la préface. Il dit Guizot a rien dit sur les procès, mais c'est pas vrai. Hein. Guizot était vraiment très tourmenté. Donc il y a un certain nombre de manipulations pour en faire le militant parfait, le héros. Et la femme de Guizot, elle a, dans ses mémoires et puis dans des livres, elle était minoritaire, mais elle a essayé de dire mais Guizot, c'était pas du tout ça, c'est pas le Guizot que Sartre a portraituré, c'est pas un type torturé qui est Rimbaud et qui part à Aden parce qu'il est déchiré, c'est pas ce type impeccable qui regrette de pas avoir été, mais du coup c'est occulté, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre de Sartre c'est un de nos seuls, c'est une des seules médiations vers Guizot, et c'est ce qui protège l'œuvre de Guizot, et puis en même temps c'est ce qui l'occulte en grande partie, puisqu'on a une image de Guizot qui, par ce biais-là, correspond pas. Mais il a quand même réussi, c'est que il était quand même dans une défense systématique contre la calomnie. Et puis, c'est vrai que du coup, à cause de cette calomnie, l'œuvre de Guizot était passée complètement à la trappe. On a passé au pilon tous les exemplaires du Cheval de Troie dans les années 50. Et il était quand même dans une position de combat où il allait réhabiliter l'œuvre, quitte à la travestir. Et il a réussi parce qu'il y a eu un renouveau. En 68, on a acheté Les Chiens de Garde, Aden Arabi. Tout le monde a lu la première phrase. J'avais 20 ans, je dirais, blablabla. Donc, stratégiquement, c'est pas complètement mauvais. Mais... Et ça, ça m'intéressait quand même. Ouais. Quand est-ce que est-ce l'année de la Républication et la préface de Sartre ? La Républication, c'est 60. Ouais. Et donc il prépare sa préface, mais on va pas lui demander la préface, c'est-à-dire qu'il remue ciel et terre pour obtenir la Républication, donc chez Maspero, et on en avait republié deux autres, je pense qu'on avait republié Le Cheval de Troie et Antoine Bloyer, et pour l'obtenir, il fait quand même une préface d'au moins 70 pages, donc c'est plus tellement une préface hein, à ce niveau-là, c'est-à-dire il utilise son statut et son statut symbolique pour obtenir la réédition de Guizot et pour qu'on essaye de relancer Guizot. Ouais, c'est ça la date. Après, il y a d'autres éditions successives, mais il ne modifie pas la préface à ma connaissance. Sartre pourrait être un peu plus lu qu'il ne l'a été. Et on pourrait estimer que Guizot lui mérite d'être plus tout court. Ouais. Et ça, c'est cette occultation. Enfin, t'as rappelé ces quelques textes, mais Antoine Bloyer, par exemple, pour celui-ci, c'est un ouvrage absolument inouï. Ouais. C'est une intervention littéraire hors du commun, ce genre de texte. Ouais. C'est des très très grands livres. À 35 ans, il avait écrit 3 très grands romans. Il avait eu des voix pour le prix Goncourt pour un. Il avait eu le prix Interallié. Et bon, il y a deux très grands pamphlets. Mais son préfacier, il y a une préface amusante. Il dit s'il y avait une justice littéraire, le Cheval de Troie, ce serait au niveau de L'Étranger et de La Nausée. Mais il n'y a pas de justice littéraire. Et puis il y a eu toutes ces calomnies. Et puis bon, mais il y a quand même un petit renouveau des études nisaniennes. Il y a une revue qui s'appelle Aden, qui travaille sur les années 30, qui aussi retravaille sur Nisan, parce qu'il y a une spécialiste de Nisan à l'intérieur. Mais c'est, il n'a pas indéniablement pas la place qu'il mérite. Même du point de vue de, je crois, ses textes sur le marxisme, il y a beaucoup de choses. Mais je voulais pas juste faire de la publicité pour Nisan. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est structurant dans l'œuvre de Sartre et qui permet peut-être de la voir autrement ou de la comprendre autrement. C'était peut-être un peu mon point. Personnellement, je trouve que c'était très clair. Oui, je trouvais ça impressionnant. Cette relation entre les deux auteurs et Sartre qui se construit dans une relation à un auteur qui disparaît. Le fait finalement qu'il est sous le regard d'un autre, cet autre il le reconstruit. Enfin, oui. Il y a presque le début, c'est la question que je voulais poser, le début d'une psychanalyse existentielle de ça. Il y a quelques éléments. Ouais, il y a quelque chose qu'on peut faire, en particulier avec peut-être ce que j'ai pas développé, mais c'est l'analyse des deux textes qui sont complètement incroyables. Hein. Son premier texte romanesque et puis le dernier, qui sont des textes à peine transposés sur Nisan, où là il y a vraiment une stratégie littéraire qui le met en scène pour le réconcilier avec Nisan. Et là, évidemment, à partir de l'analyse du dispositif, on pourrait lancer quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça a été fait un peu dans les notices. J'aurais pu vous l'expliquer. Je crois qu'il y a deux matériaux qui sont encore pas très... Parce que le chapitre Drôle d'amitié, il est dans la nouvelle édition de la Pléiade, mais sinon, il avait été édité une fois au milieu des années 50. Et puis sinon, on le trouve pas. Donc c'est quelque chose qui peut-être fait défaut. Et puis ce texte de jeunesse, il est juste dans les écrits de jeunesse et on le lit en général pas. Et là, ouais, je crois qu'il y a deux sources qui permettraient de faire quelque chose comme ça. Ouais. Oui, juste quelque chose de très anecdotique, mais quoi que ça rentrera assez dans le psychanalyse existentielle. Je tiens un passage des carnets de la Rue de Guerre, quand Sartre explique qu'il a vraiment pas le sens de la propriété. Il n'a jamais rien possédé de sa vie, même pas des livres. Là, il explique comment les gens qui sont autour de lui à ce moment-là vont faire des emplettes pendant leur permission, etc. Okay. Et il explique que Nisan, lui, quand il va acheter une paire de chaussures, il se met sur son 31, c'est une véritable cérémonie religieuse, il achète des chaussures très chères. On a l'impression d'avoir joué un bon tour à tout le monde. Donc c'est une occurrence. Oui, et il dit ça. Il dit ça toujours et il en a gardé un peu quand il... Parce qu'il y a une ressemblance physique qui fait qu'on les a pris quand même un peu l'un pour l'autre. Mais Sartre disait, mais Nisan, c'était le plus élégant de tous les camarades. Il était toujours beau, bien habillé, ses pantalons étaient à la mode. Et moi-même, quand j'essayais de mettre les vêtements de Nisan, je ressemblais au vilain petit canard. Et j'arrivais vraiment à rien parce que lui, il avait de l'allure. Et... ça marchait et moi pas du tout. Et il dit aussi, parce qu'ils louchent tous les deux, il dit mais on louchait tous les deux, mais lui louchait de la façon agréable, de façon convergente, et moi je louchais de façon divergente, alors de la façon désagréable. Donc il fait quand même tout un travail sur cette... C'est comme s'il y avait le vrai et puis la version un peu déformée. Ouais. Et en même temps, de temps en temps, il joue à essayer de présenter Nisan comme un personnage diabolique. Alors, lui, comme il y a une dialectique entre les deux qui court quand même sur plein de textes importants. Alors, une dernière question, un commentaire, où est-ce qu'on achève le tutoriel sur le strabisme? Ah, c'est mieux dit. Non, mais on peut... Est-ce que les organisatrices